fou, ça. 89.1. C'est que ça nous donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On choisira d'improvisation avec un joueur ou une joueuse de la Luitre. On s'éduquera autant que possible grâce à Internet et la chronique, c'est un fait. Et tant qu'à apprendre de l'info sur le grand match, le grand jeu, la grande partie, la super quelque chose. Bonjour, bienvenue à la grande émission, le beau programme, le magnifique plan, t'sais, Assemblage requis, c'est ça? Oui. Oui, mais copyright. Donc, il y a juste nous qui avons le droit de dire Assemblage requis, les autres doivent dire la belle grande émission. Ah. C'est comme le Super Bowl, t'as pas vu les publicités de chips, etc., des épiceries tout à l'heure pour le grand match? Pour le... Ah non, j'ai pas vu. C'est jamais pour le Super Bowl parce que les droits du Super Bowl appartiennent, j'imagine, à ceux qui s'occupent du Super Bowl. Pourquoi? Ah ben voilà. Mais bon. Donc, bonjour, bienvenue à Assemblage requis. Salut Jean-Philippe Charbon. Salut Mathieu Plante. En direct des studios de Six fois trois rivières en ce lundi 3 février 2014, première émission du mois de février. Waouh! Et il faut fêter ça. C'est, oui. Avec la salsa guacamole. Oh oui, monsieur. On a quoi? On a 4 semaines en février, donc c'est très court. La semaine du 3, du 10, du 17 et du 24. Après ça, on va être en mars déjà. Incroyable. Ça n'a pas d'allure, hein? Des informations pertinentes demain. Le boom après ça, c'est l'été. C'est ça. On est presque rendu quand on y pense. Ben oui. Bon. C'est la fin. Le dernier sprint. Le sprint final. T'as passé le dernier droit. Oui, l'angle droit. Oui. Parlant d'angle, tout qui est un gars bien, bien droit. Ben oui, bien. Oui. Tous les matins. As-tu passé un dimanche assis sur ton divan à 90 degrés de jambes et de bras? Oui. Des fois, assis en indien, des fois... Ah, tu varies, hein? Oui, des fois, je varie. Comme le vari-bari d'aile de poulet que tu as mangé. Exactement. 18 ans de poulet, j'ai mangé. Une 18aine? 18aine. Ça, c'est quand il y en a 180. OK. Mais il était bon, hein? C'était délicieux. Ouais. Est-ce que tu as cuisiné toi-même ou tu t'es non, fait... Non, dimanche, j'ai rien fait. Du congé Michelinos de de poulet? J'ai commandé. En pire encore. Ah non. Ouais. Wow! Ouais. Mais en tout cas, ça valait la peine, fait qu'on est content. Ouais, voilà. Est-ce que tu l'as écouté, le grand match? la grosse partie. Non, j'ai écouté une demi-heure du pré-match entre 14h et 18h, donc je sais pas quand j'étais en train de regarder ça, mais c'était sur le poste où j'étais en train de regarder la TV de toute façon le soir d'avant. Mais... Bon, ben voilà. Je suis tombé dessus, mais par Fox. Hasard. Non, c'était CTV. Ouais, les mots de CTV avec leur maudit pub canadien. En tout cas, ouais. Ça, c'est plate. C'est ce que j'aime le plus du Super Bowl. Ben, c'est ce que les études prouvent que c'est ce que les gens veulent le plus voir. Mais on publie, on est juste aux States. C'est ça. Ah. Et, en tout cas, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, parlant du Super Bowl, on va avoir quelques chroniques basées sur le Super Bowl. J'ai concocté ça. Une chronique, en fait, ça va être un blitz de chroniques. Un peu comme le super match, où la grande partie, c'est un blitz de ballon. On pourrait appeler ça le blitz du ballon. Le bits. Le bits. C'est comme... Des timbits. C'est ça. Donc, on va faire son foutu palmarès. Et arrête avec tes questions au sujet du Super Bowl. Exact. Parfait. C'est malade. On va aussi faire... on va recevoir, en fait, quelqu'un de la Luitre, Vincent Rainville, qui va être avec nous à 8h pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. Et on va débuter l'émission avec C'est un fait dans quelques instants. Génial. Voilà pour le plan d'aujourd'hui, le Game Day Match Plan Sting. Jusqu'à ce qu'on soit plus capable de manger. C'est ça. Et au milieu de l'émission, Bruno Mars en spectacle. Oh, wow! Non, non, on peut pas se permettre Bruno Mars, donc on a acheté... Son CD. Son CD! On a copié. On a YouTube ici et on pense ça. Non, en remplacement de Bruno Mars, ça va être Danny Janvier. Ah! Janvier, Mars. Oui, je la pogne. OK, merci. Voici Mafia Douce de Pendantif. Bon. Pendant que je me pars dans cette fin. Je déambule jusqu'à la prochaine danse. Je fais partie de la mafia douce.

The Wire. Je sais plus, là. Je suis mêlé. Tantôt, c'était une blague, là, Wire. Ben oui, ben c'est ça. Là. T'as vu comment tes blagues me rentrent dans la tête? Ben c'est ça, c'est le but. C'est, oui. Je suis vraiment un petit ver de terre. Mais j'ai... Hein, dans le... Une blague de... Une blague d'autre jeune. Au retour! Dans les coulisses de la lutte. Assemblage Ricky. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Dans le sens qu'il est bien gluant. Ouais. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on se toujours à Assemblage requis en ce lundi 3 février 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Autant qu'on a dû s'habituer à dire 2014 au début du mois de janvier, il faut s'habituer à dire février. Ah! Oh. On dirait que le mois de janvier est tellement long. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on travaille moins parce qu'on commence un petit peu plus tard, tu sais, maintenant. Ben, c'est dur. Il faut reprendre le bide après les vacances. C'est ça. Mais, regarde, le mois de février va passer de demain. Vite! Là, on ferme les yeux. Bonjour, bienvenue en ce 2 mars 2014. Waouh, ça a passé si vite. Poisson d'avril. Voici mes dans ta pipe 2022 là. À son âge. Oh! mets ça dans ta pipe. De Mimi Van Der Glo. Toujours Assemblage Requis. Maintenant, on va répondre à une seule question parce qu'en ce moment, j'ai juste la tête à une chose. Ben oui, puis depuis tantôt, on n'arrête pas de... on est nerveux. Arrête avec tes questions. Ouais. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça, ce serait très, très beau. Mais c'est pas ça. Non, c'est dommage. C'est ça. C'était bien. Je sais pas ce que j'ai à toujours vouloir devancer les choses. Je sais pas, t'es pas sur le beat, mais au moins t'as un effort marqué. Quand ouais, une petite étoile dorée. C'est ça! T'as une seule question pour moi jusqu'à aujourd'hui. Oui, puis ça a lien avec le Super Bowl. Ben arrête donc. Ben écoute, c'est lundi, hein, après le Super Bowl. C'est normal. 3 février 2014. 3 rivières février 2014. 3... Je veux savoir, Mathieu, tu sais, à chaque fois qu'il y a un gagnant au Super Bowl, ouais. Tout de suite, on les voit mettre leur chandail, leur chandeau. Leur chandeau, oui. Les casquettes. Champion Super Bowl, le 49e. C'est ça, mais qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire qu'ils ont été obligés d'imprimer les deux. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ont imprimé de trop? Très bonne question. C'est pas que quelqu'un les mette, ça pourrait porter à confusion. Exactement. Exactement, tu as tout à fait raison. Donc, c'est ça, aussi qu'il y a un grand match, une grande partie, une grande game, si on veut. Grande partie, oui. Une grande partie. Donc, évidemment, les gens veulent acheter de la marchandise tout de suite, genre des minutes après la fin de la partie. Et pour, évidemment, l'offre et la demande, là, ben, ils en font faire beaucoup. Ils en font faire énormément, en fait. Et basé sur les ventes, on nous dit, basé sur les ventes des Chicago Bears en 2007 avec la NFC quand ils ont gagné. Donc, Sports Authority a imprimé plus de 15 000 chandails proclamant les Bears comme gagnants du Super Bowl bien avant que la partie commence. Et ensuite, les Colts ont battu les Bears 29 contre 17. Ça, c'était en 2007. OK. Donc, évidemment, c'est ça. On ne peut pas vendre ces articles-là de vêtements. Et puis, on nous dit que toutes les ligues majeures, la MLB, la NFL, la NBA et la NHL, demandent la destruction des vêtements qui sont erronés, si on veut. Donc, ça, c'était dans le temps, mais depuis ce temps-là, de nos jours, les ligues ont changé la façon de faire les choses. Donc, on parle de toutes les ligues susmentionnées. Oui. À la place, on les donne à un groupe qui s'appelle Vision Mondiale, World Vision, qui sauve la marchandise de sa mort certaine et la fait porter à des gens qui en ont besoin. Donc, ce groupe humanitaire-là ramasse les articles qui sont pas désirés pendant les jours suivant la grande partie. Ils envoient ça à un centre de distribution à Pittsburgh et ensuite, ils envoient ça aux gens qui vivent dans des endroits qui ont été victimes de désastres ou encore des nations pauvres. Après avoir perdu le Super Bowl XLII en 2009, les Arizona Cardinals ont vu leurs affaires envoyées aux enfants pauvres de El Salvador. En 2010, quand les New Orleans Saints ont battu l'équipe de Indianapolis, les choses avec les Colts imprimées dessus ont été envoyées à Haïti où il y avait eu un tremblement de terre. Voilà. En 2011, quand Pittsburgh a perdu contre les Green Bay Packers, les chandails, les casquettes des Steelers sont allés en Arménie, au Nicaragua, en Roumanie. Voilà. Et bref, Cheryl Watkins de chez World Vision, Vision Mondiale, dit que l'organisation ne sait pas encore où vont être envoyées les affaires des Broncos cette année, mais ça va sûrement être dans un peu les mêmes pays que dans le passé. Donc, il y a des gens qui vivent ici aux États-Unis, au Canada ou au Québec qui auraient peut-être besoin de ces vêtements-là. Mais c'est ça, comme tu l'as mentionné précédemment, les ligues ne veulent pas que les articles avec les mauvais noms et les mauvaises années apparaissent à la télé ou sur eBay, parce qu'il y en a qui les achèteraient sur eBay. Donc, à la place, ils les envoient outre-mer pour être sûr de ne pas avoir ça entre les mains des gens qui pourraient être confus par les gagnants. Voilà. Et les perdants. Bon, ben, c'est bien. C'est pour ça. Bon, au moins, ils arrêtent de les détruire. Ben, c'est ça, parce que là, c'est un gaspillage. Pour vrai, là. Au moins, il fait des guenilles avec, là. Ben oui, n'importe quoi. C'est... Ou, tu sais, t'imprimes un note dessus, tu sais, champion. Oui! Note! Loser! Oui! Alors, voilà pour un minuscule arrêt avec tes questions. Merci, Mathieu. De patchage. Ça me fait plaisir. 15, ça veut dire qu'il y en a pris, il y en a pris genre 30 000 chandails. C'est ça, ça dépend il y des. Il y en a vraiment 15 000 qui s'en vont. Ça dépend de l'offre et de la demande, mais j'avoue que c'est. Ça génère tellement d'argent, ce Super Bowl-là. Ils devraient en faire moins à la base, mais c'est que les gens les en gens veulent. Les gens veulent, ben oui. S'ils avaient gagné, ils auraient voulu. Montrer qu'ils étaient là, tu sais. On se va entendre une pièce du palmarès anglo. C'est Lederhosen Lucille et Krista Muir avec leur pièce Chicken and Clark. J'ai commencé à m'habituer à cette pièce-là. Au début, je la détestais. OK. Mais bon, tu me diras si... Elle est rentrée sortie. Non, non, ça l'est. Regarde. Et sur son vélo, café. Non, pas capable. Playing chicken on clock, ducking down the street. Got my helmet on my head and my shoes on my feet. Playing chicken on clock, ducking down the street. With my helmet on my head and my shoes. Don't wanna meet the Grim Reaper when I'm riding on my bicycle. Don't wanna meet the Grim Reaper when I'm biking down the street to meet ya. Screaming, you're the one I meet, the Grim Reaper. When I'm riding on my bicicleta, the grass it always smells sweeter. When I'm biking down the street to meet ya, yeah. I'm close to the track. Lederhosen Lucille et Krista Muir. Don't touch me. Pas sûr que ça qu'elle dit. Oui, il me semble qu'elle a fini avec ça. Touche-moi pas. Touche-moi pas. Touche-moi pas. Touche-moi pas. Chicken and Clark est le nom de la pièce, toujours à son âge requis. Et maintenant, ben, on va y aller juste nous deux, là, avec les coulisses de la huître. C'est dans les coulisses de la Luitre. Ouais. Oui, on parle de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Charbonneau, qui est un spectateur de la Luitre. Salut! Salut, ça va bien? Oui, ça va. Yeah. Donc, j'ai plein de questions à te poser. Là. Premièrement, décris-nous ton rôle dans la Luitre cette année. Moi, mon rôle, c'est vraiment... ça dépend. Il y en a deux. OK. Il y a le premier... qui est là en tant que directeur général de C'est fou zone campus, le GME. Le GME. Le GME. Puis on est ses bandes, hein? Oui, c'est ça, on est tout le temps ses bandes. On est tout le temps ses bandes. Ben jacké, tout le temps. Non, mais ça, c'était plus corporatif. Mais pour de vrai, en tant que spectateur de la Luitre, ben j'assiste, je ris et je vote. Les trois, là? Oui. T'assistes, tu ris, tu votes, mais dans cet ordre-là. Tout le temps. Donc, mon rituel, un peu, si je peux développer un peu. Tu pourrais même dire ton rituel. Mon rituel, wow! Tu pourrais dire ça, tu sais. C'est bon, ça. Oui, c'est ça, mon rituel, c'est de prendre place. Souvent, je m'assois pas. Je reste debout. Parce que comme j'ai... un concert. Oui, exactement, okay. Parce que j'y ai passé la journée assis souvent au bureau. Puis là, souvent, il manque de place. Ça me dérange pas de rester debout. Mais sacrifie. Tout le temps, c'est oui. Comme quand tu mets ta main dans la bouche du tigre dans Fort Boyard. Exactement, mais j'aime bien avoir une table haute. Parce que souvent, je vais aller prendre une bière après le travail. On va écouter ça. Bon, c'est le fun. Puis c'est pas cher. C'est pas cher, c'est la chasse galerie. Voilà. C'est ça. Donc, j'écoute. Puis après ça, il y a des choses qui se passent en avant. On appelle ça de l'improvisation. C'est souvent deux équipes. En fait, tout le temps, deux équipes qui s'affrontent. Le compte, ouais, il y a un arbitre. Ouais. Et puis, moi, j'assiste. Puis souvent, je trouve ça vraiment très drôle. Donc, je ris beaucoup. Wow, c'est bien expliqué, je trouve. Oui, et à la fin de chaque improvisation, on me demande de voter. Donc, j'exerce mon droit de vote et je vote pour mon équipe préférée. Wow! Non, pour mon improvisation préférée. C'est ton... Elle n'est pas conforme. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est disons, ton devoir de citoyen. De citoyen de la chasse. De la chasse. Décris-nous ton équipe de spectateurs cette année. Comment tu trouves ton équipe de spectateurs? Participative. Oui. Oui, on rit beaucoup. Souvent sur les mêmes jokes, hein, parce que c'est ce qui nous fait rire. Est-ce que vous faites de la durée synchronisée? Est-ce que vous riez ha, ha, ha, ha, ha? Non, non, chacun a son propre style de rire. Okay. Puis c'est ce qui fait la beauté de la chose, hein. On est tous différents. One world, hein. Toute race confondue. Toute trace confondue. Toute trace. Sur une note plus personnelle, Jean-Philippe, tu viens d'où et ton champ d'études, s'il te plaît? Ben, je viens d'où? Originaire, natif. Je suis Belœilois. Donc, sur la rive sud de Montréal, de Belœil. On dit pas que t'as un beau yeux, quelque chose comme ça? J'ai un beau yeux, non. C'est un... Oh, là, tu m'as... Je suis un Belœilois. C'est un Belœilois. Oui. Oui, oui, c'est un Belœilois. D'ailleurs, sais-tu pourquoi on a appelé ça Belœil? Non, est-ce que ça m'intéresse pas ça? Mais oui, oui, non. C'est pourquoi non? C'est que, quand ils ont découvert Belœil, en fait, ils ont découvert le Mont-Saint-Hilaire avant. Le gars qui a découvert Mont-Saint-Hilaire, il a monté sur le mont, il a regardé ça, puis il a fait « Wow, c'est donc bien beau! Quel Belœil! » Donc, il a appelé ça Belœil, oui. Wow, comme okay. Ça. Ah ben, je pensais que ça avait rapport avec le fait que le Mont-Saint-Hilaire, il y a le Mont-Saint-Hilaire, ça. Il y a le Mont-Saint-Hilaire, puis il a fait « Wow! » Non, c'est ça. Donc, je suis originaire de Belœil. Après ça, plein d'affaires dans ma vie, mais j'ai fini à Trois-Rivières à étudier en loisirs, culture, tourisme. Mais j'ai fini, puis maintenant, ben, je travaille à Cifou, zone campus. Ougme! Ougme! Quand est-ce que tu as commencé à regarder de l'impro? Ah, oh, dans mon jeune temps, au secondaire. Oui, je regardais... j'ai juste la huître. Pas la Ligue d'improvisation montréalaise. Donc. OK. La LIM de Montréal. Oui. Ouais. La LNI. La LNI, oui. La Ligue nationale d'improvisation. Exactement. Donc, Réal Bossé, etc. Ça, il était tout là-dedans. Il était tout là-dedans. Tout là-dedans. Il vend ponton. Oui, je l'ai vu. J'ai même déjà lancé une chou-claque. Wow! Oui. Cool. Donc, tu as regardé ça sans arrêt depuis. Là, sans arrêt. À chaque jour, je regarde la luître. La luître. La LNI. Non, mais c'est ça. J'ai commencé comme ça, tranquillement. Au cégep, peut-être un peu moins, puisque t'es rebelle, t'sais. Oui. Au cégep. Puis après ça, ben, à l'université, tout le temps. Tout le temps. Presque. Ton meilleur ou pire souvenir d'impro? Oh! Bon, oui. J'ai allé de façon générale. Des fois, il y a... Non, pas des fois. Je sais pas, Mathieu. C'est très dur comme question. On y reviendra. Tu dis passe? Passe. Passe. J'ai réfléchi très fort, puis j'ai essayé de pas m'évanouir. C'est bon. C'est quoi pour toi l'improvisation, Jean-Philippe, spectateur de la lutte? En tant que spectateur? Ben, c'est un spectacle. Hein? Moi, j'aime bien, ça me divertit. Ça te fait oublier ta journée. Ça passe à d'autres choses. Ça te fait rire. Ça fait du bien de rire. Puis, ben c'est ça. Ça te fait passer un bon moment avec des amis. Tu peux même y aller tout seul. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Wow. Puis c'est pas grave. T'sais, j'ai dit bonjour à du monde qui me reconnaissait pas. Fait que c'est pas grave. C'est ça. Tu croises tout à des gens que tu connais. Là. Ah, comment? Conte-nous une histoire, une humiliation ou une gaffe en tant que spectateur. Est-ce que t'as genre ri au mauvais moment et t'étais tout seul dans la salle à rire ou ça? Non. J'ai jamais renversé quoi que ce soit. Je me suis jamais planté sur le stage. T'es déjà monté sur scène pendant un match? À un moment donné, pour sûrement au moins une impro, c'est fou, quelque chose comme ça, on t'a pas annoncé ou présenté, t'as pas demandé de monter sur scène? Oui, c'est déjà arrivé, mais pour présenter une soirée cachée. Ah ah! Et puis, j'ai essayé de faire une bonne blague. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, je vais dire de quoi de drôle, puis tu sais, personne t'écoute vraiment, parce que, en tout cas, à ce moment-là, personne écoutait. Puis là, je voyais rien, parce qu'il y a les spots d'en face, j'avais les spots d'en face. Puis Mathieu Roy était là, puis on jasait. Le président de l'OGE. Oui, ben dans le temps, il était pas président. Non, il était animateur de la lutte, j'imagine. Oui, mais il y avait un autre rôle, mais il faudrait l'inviter, je me souviens plus. Ouais. Et puis, je sais plus trop qu'est-ce qui est arrivé. On se faisait des jokes entre nous autres, mais je pense que les gens n'ont pas trouvé ça drôle. Ça a pas ri du tout, puis là, j'étais quand même merde. J'ai fait un pipi nerveux. Oh, triste. Ouais. quelques questions en rafale, comme on le fait toujours avec les joueurs de la lutte, mais on va le faire avec le spectateur émérite quand même. Toi, c'est pour vraiment apprendre à te connaître, OK? OK. Parce que vraiment, je trouve que c'est des questions qui représentent la communauté trifluvienne, la population québécoise, le peuple canadien. Es-tu Mac ou PC? Je suis désolé, Mathieu, mais je vais être PC. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est par nécessité? Ni l'un ni l'autre, je pense que c'est juste par... paresse. Ouais, mais juste non, par... juste parce que j'ai toujours utilisé un PC. Je vois pas l'utilité vraiment que j'utilise un Mac pour l'utilisation que j'en fais. Ah oui, pour aller sur Facebook. Là. Ouais, genre. Mais mon cellulaire ne sera pas autre chose qu'un Apple. Génial. Ben, si t'aimes ton téléphone Apple, tu vas aimer un portable Apple un jour. Mais sûrement. Sûrement. Ouais. Es-tu Coke ou Pepsi? Je suis ni l'un ni l'autre, Mathieu. Non. Je suis le premier à, peut-être à dire ça, je pense. C'est quoi, crème soda, orange crush? J'aime pas ce qui est gazeux en tant que tel. J'aime bien le Perrier. Orange crunch, ça va. Orange crunch. C'est comme de l'orange avec la barre de chocolat. Oui, c'est l'affaire qu'il faut taper sur la table. Ouais, clac! Puis je vais te dire que ça me dérange pas vraiment, mais le seul moment que je vais prendre un Pepsi ou un Coke, c'est avec un peu de rhum. Cool. Puis un ou l'autre, ça m'en dérange en rien. Est-ce qu'ils font des rum and crush? Faudrait essayer. Tiens, évidemment, la question classique. Là, on dirait que d'habitude, on commence avec celle-là. Là, je termine avec celle-là parce que c'est celle qui est la plus apte à créer une discussion. Mais toi, ton déjeuner préféré, je veux des détails. Est-ce que j'ai droit à un seul ou plus qu'un? Garde-toi. Okay. Vas-y avec plusieurs, on a rien que ça à faire. Bon, OK. Mathieu, mettons quand je veux me gâter, puis que je vais au restaurant, ouais. Ce que j'aime, c'est prendre la genre de cassolette. Oh, OK, original. Ouais. J'haïs ça aller au restaurant puis manger quelque chose que je suis capable de me faire. Ouais. Comme, mettons, deux œufs bacon. Bon, je prendrais pas ça. Quoique, ça m'empêche pas d'en prendre. Mm-hmm. Tu sais, mettons, des fois, ça m'arrive d'aller au restaurant puis prendre un spaghetti bolognaise. Ou genre carbonara. Je prends des toasts à la margarine au restaurant. Mais ça va être... c'est ça, la petite cassolette, là. C'est genre plein d'affaires mélangées. Ils appellent pas tout ça pareil, là. Je pense que c'est chez Cora qui appelle ça la cassolette, là, mais les autres, c'est comme... le poêlon déjeuner. Campagnarde, puis etc. C'est ça, j'aime bien ça. Si je suis chez nous, un bagel déjeuner, je dois t'avouer que j'aime ça. Ça, c'est cookie. Fromage blanc ou jaune? Ça dépend de ce que j'ai. Okay. Jaune ou blanc, ça dépend vraiment aussi. Pain brun ou pain blanc? Moi, je te demande la même question qu'à la cafétéria. Là. Bagel. Bagel, ouais, mais tu sais, il peut être brun ou blanc. Sésame. Sésame. Pas plein goût? Non. Non. Oh, non. Non. Parce que plein goût, c'est bon, ça? Ben, il est très, très bon, mais j'aime mieux mon sésame. Okay. Ouais, j'aime mieux mon sésame. Sésame ou quoi, toi? Oui, avec... à l'intérieur, ça va être du jambon. Jambon? Ouais. Okay. Jambon, tomate, laitue, mayo, œufs tournés, pété. C'est ça. Génial. C'est une question complète, j'aime ça. Une réponse complète. Puis je te dirais qu'en fin de semaine, je me suis fait une omelette. Pis c'était très bon. Miam. Miam. Je suis très peu céréal. Hey, Mathieu, on sort-tu ensemble? On se complète tellement bien! voilà pour les questions en rafale qui nous ont permis de mieux te connaître. Là, je pense que c'est très pertinent de savoir qu'un public aime le bacon qu'on appelle le bacon canadien. Le back bacon, c'est le jambon en tranche. J'appelle ça du back bacon. Y a-tu quelqu'un, un gars, qui va dire un jour, moi, le bacon, là, pas capable? Non. Moi, je pense que ça sera sa dernière participation à notre station de radio. Oui, moi aussi, je pense. Donc, après les questions en rafale, ce qu'on fait, c'est une improvisation sur un sujet qui est choisi par la personne. On lui donne la chance de parler directement au public. Oui, en tant que spectateur, tu as le droit à ton moment de gloire. Donc, je te pose la question et tu réponds. Tu as un petit 40 secondes, je te fais un signe, OK? Je ne sais pas si tu connais le principe. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? J'aimerais ça pouvoir réfléchir à ce qui m'inspire aujourd'hui. J'ai tellement de brûlement d'estomac à cause du Super Bowl. Maudit que j'aurais pas dû prendre piquante ces ailes de poulet-là. La pizza, les onion rings, bâtonnet de fromage. Ah, on dirait que je les digère encore. J'ai eu chaud toute la nuit. Mon corps, il me déteste. J'ai même pas déjeuné, évidemment, j'ai pas faim. J'aurais dû me faire vomir. Ah, qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Ah, Pepto-Bismol. Bonne affaire de rose, là, ça c'est bon. C'est ça. Ah. Je l'avais déjà préparé. C'était bon. C'était long, mais c'était bon. Ouais, je voulais faire un gag là-dessus. Là. J'ai pas mangé tout ça pour de vrai hier. Non. Mais j'aurais pu laisser les gens croire tout ça aussi. Là. C'est ça. Puis j'ai pas eu de brûlement d'estomac, contrairement à ce que j'aurais pu croire. Fais leur un petit roux pour qu'on goûte à ton dîner d'hier. Voilà, c'était dans les coulisses de la Luître avec Jean-Philippe Charbonneau qui est spectateur à la Luître et on le retrouve tous les lundis à 19h30 à la Chasse Galerie. De temps en temps. Évidemment, de temps en temps. Est-ce que t'es sur Facebook en ce moment? Exactement. Je suis prêt à vous dire que ce soir à 19h30, ça va être les bleus contre les rouges. Les Bleus, composés de la capitaine Élodie Mongrain, Maxime Tanguay, qu'on connaît, hein, Charles Doucet et Frédéric Bernard. Et ça va être contre les Rouges, l'équipe de Jean-René Boutin, qui est capitaine, avec Myriam Lortie, Philippe Grenier et Jean-François Latour. Je pense, si je puis m'exprimer ainsi, que c'est un excellent match-up, c'est meilleur que le Super Bowl. Oui. Les deux équipes sont vraiment très très fortes, elles s'affrontent et il n'y aura pas de lavage. Ça devrait pas. 36-0. À la mi-temps, si on est là, on pourra signer les autographes. Okay. Tout, là. Génial, faire un petit row dans la face pour faire goûter les allopédias. Oh. Ah, c'était dans les coulisses de la Luitre, on fait ça tous les lundis vers les 8h à Assemblage Requis. Soyez-y. Oui, monsieur. Maintenant, pour l'instant, avant de passer à notre prochaine chronique, parce qu'il nous en reste encore un petit peu, on va faire tantôt son foutu palmarès. On a aussi, je t'ai préparé un petit écoutons-la dans la chanson en prévision d'avoir le temps pour le faire. Et d'après moi, ça s'en vient pour ça. OK. Fait qu'à avant ça, on s'en va entendre une petite pause. OK. Bien, hein, c'est le fun. Hein? Ouais. Puis pas l'info campus. Ouais, peut-être. Non, je pense pas. Non. Oh, on fera ça plus tard. Un autre jour. Dans la zone 89.1. C'est fou! Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Retour, c'est toujours à Assemblage Requis en ce lundi 3 février 2014. Lui, il est le chanteur. Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est votre animateur, Mathieu Blanc. On a parlé tantôt avec un spectateur de la Luitte. Je trouve qu'on devrait le réinviter. Ben oui, il fait bien ça. Ben, il est pas pire. Il représente bien. Moi, en tout cas, je suis fier d'être représenté par ce représentant du public. Ouais. Je me sens comme près de lui, y a rien à moins comme de 2 mètres. Il n'y a rien comme un gars qui a des brûlements d'estomac pour représenter le peuple. Tu sais, s'il sent les ailes de poulet dans la bouche, suite et un point de plus. Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'il y avait encore des os de poulet. Il y avait encore les doigts rouges partout. Est-ce que tu manges des ailes de poulet des fois, Mathieu, chez toi? Oui. Moi, mon chat capote quand je mange des ailes de poulet, il devient fou. Ah, oh, sans blague. Oui, puis après ça, ben il fait des trous dans les poubelles. Oh. Je suis obligé de mettre quelque chose de lourd sur la poubelle pour pas qu'il fouille dedans. Aïe, aïe. Parce qu'il est capable de l'ouvrir pour aller chercher les ailes de poulet. Mais c'est vrai qu'on sait pas si c'est des ailes de poulet, ça pourrait être des petites souris, ça pourrait être ça. On sait pas de la viande, il y a de ça de la viande. L'important, c'est que ça soit bon. Ben c'est... L'important, c'est que ça soit bon. Ben oui, comme Assemblage Requis. On devrait rajouter ça comme slogan. L'important, c'est que ça soit bon. I think I said the end is coming. You said that's great, I'll be king. Well, you're a jerk, quite a piece of work. I think it's fun that you're so dumb. We'll be right back. Ça veut pas. Ça veut pas, c'est l'hiver. C'est ça, on arrive en plein milieu d'une anecdote. Raconte-nous ça encore. T'es Big Shot, par exemple. Pas mal Big Shot. Ah, c'est de Pac et Eddie qu'on vient d'entendre en passant. Je suis en train de dire que j'ai les doigts secs. Ouh. Mais je sais pas. Là, je m'en sortirai pas sur celle-là. Ben, je pense pas, non. J'ai décroché. T'as les doigts secs, puis ça coche partout avec ta gale. Genre. Ben oui, j'ai le doigt qui a fendu, Mathieu. Tu peux-tu croire à ça? Non, je le crois pas. Mais je te dis. Moi. Mais là! Ah! Ouais! Voilà. Ouais! C'est fou qu'est-ce qu'on peut se dire en onde, hein? C'est fou, hein, ce qui est pas tellement pertinent pour le en onde, mais qu'on aime ça parce qu'on a rien de mieux à faire. Voici son foutu palmarès. Ils sont foutus comme la reine. T'aimes cette roue-là, je pense. Oui, je l'aime. Elle est vraiment bonne. Mais je la trouve rock. Oui, rock. Longue, mais très pas. Rock. C'est bon. Très bonne. Donc, aujourd'hui, dans son foutu palmarès, la chronique où on établit une liste sur un sujet particulier. Parfait. C'est le top des émissions qui ont débuté après le Super Bowl. OK. Aux États-Unis. Tu sais, ils utilisent le Super Bowl avec les grosses cotes d'écoute que ça a pour lancer des émissions. Ça arrive assez souvent. Oui. Le grand match, la grande partie. Oui. Mais d'ailleurs, il y avait beaucoup de publicité hier sur les nouvelles entrées. Tout à fait, tout à fait. Au Canada, je sais qu'après, sur CTV, c'était MasterChef Canada. OK. L'émission de cuisine, de combat culinaire. Je comprends pas vraiment l'intérêt parce que c'est sûr que ça va marcher même si c'est pas après Super Bowl, cette émission-là. Ouais. Ça a pas besoin de push, le pantoute. Mm-hmm. Alors qu'aux États-Unis, c'était, et là, des émissions qui avaient besoin quand même de se faire pousser un petit peu. C'était New Girl, oui, avec Zooey Deschanel. Brooklyn Nine-Nine qui a gagné un Golden Globe, ou même plusieurs Golden Globes il y a quelques semaines. C'est une émission policière humoristique qui a l'air assez très très bonne, je trouve. Mm-hmm. Donc, ces deux émissions-là étaient diffusées après le Super Bowl. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'ils jouaient le Super Bowl, après ça, t'avais des nouvelles locales pendant genre une heure, puis après ça, les émissions étaient poussées sur les chaînes que moi j'ai sur Bell, étaient poussées à 11h et 11h30. Et les émissions d'après Super Bowl devraient jouer à 10h. Ben oui, tout après. Je pense que c'est à cause de... Ils doivent se garder un lousse. D'après moi, si jamais il arrive quelque chose, je pense que c'est la première année que ça finit si pile poil à 10h. OK. Il me semble que cette année, je me souviens plus, mais je l'écoutais un peu en différé, là. Grâce à mon enregistreur numérique. C'est ça, t'as fait pause une fois de temps en temps pour, ouais, manger des ailes de poulet 4-5 à la fois. Ben oui, c'est ça, j'en avais une dans chaque main puis une dans chaque pied. Comme ça, c'est plus quick. Oui, oui. Non, ça me semble, d'habitude, ça se prolonge tout le temps. T'sais, j'avais même prévu mon enregistrement une heure plus tard. Ah ouais. Au cas où, tu sais, parce que des fois, c'est poche. Là. Est-ce que tu t'es assis à genre midi, regarder le pregame ou... Un petit peu, oui. Ouais. Mais juste parce que c'était vraiment un dimanche tranquille, puis on faisait pas grand-chose. Fait que j'ai écouté l'avant-match de 1 à 2 sur Fox. Puis c'était le pourquoi le football... Ah, c'était patriotique, pourquoi? Américain. Ah, oui, hein. Là, c'est tous des gens qui ont quelque chose. Là. Parce qu'il y avait comme des sous-thèmes. Là, t'avais Hope. Puis là, t'avais comme les gens qui sont nés, mettons, il manquait un bras, mais ouais, ils jouent au football, puis c'est ça qui a fait son cercle d'amis, puis là, il était heureux. Puis là, il y avait Bill Clinton là, qui arrivait à la télé, puis il était là, vous êtes un modèle pour les États-Unis, il vous remercie. God bless America. Non, mais moi, je trouve ça... Moi, ce que j'aime du Super Bowl, Mathieu, si on peut en parler encore... Ben oui. C'est pas tant le match, mais c'est tout ce qui entoure. Puis je trouve ça incroyable comment... c'est américain. Là. Ça me fait du bien une fois par année de regarder ça puis dire « Ah, ouais, c'est américain. » Tu sors ton gun, pa, pa, pa, pa, pa. Ben, j'ai quasiment le goût. Tu sais. Puis là, tu te dis « Ils sont tellement heureux. Là. Ils sont bien. » Oui. Ça, tout va bien. Ça, et le 4 juillet, ça, c'est les fêtes des Américains. Oui. En fait. Puis il y a toujours l'annonce d'à peu près une demi-heure sur l'armée américaine. Ça, oui. Ça, je trouve ça épique. Là. C'est bien. Là. C'est thing big, là. C'est vraiment incroyable. Vraiment. Puis tu te dis, ils pourront jamais surpasser l'année d'avant. Puis ils réussissent tout le temps. Tout le temps. Ils sont forts. C'est fort. Ils sont forts. Mais voilà. C'est eux autres, les suites, hein, les Américains. Ils sont très bien forts, ces suites. Ah. C'est Super Bowl Xylophone. En tout cas, donc XLVII. Oui. Moi, je dis xylophone. Oui, xylophone. donc, c'est la liste des 7 émissions qui ont débuté après la grande partie. Oui. Commençons avec les années coup de cœur. Tu connais les années coup de cœur? Avec Fred Savage et Danica McKellar. C'était The Wonder Years. OK. C'est une série en 115 épisodes de 25 minutes créée par Neil Marlins et Carol Black qui est diffusée entre 88 et 93 sur ABC. C'est ça si on en revient. En 88, c'est cette émission comédie dramatique, si on veut, The Wonder Years, qui a débuté après le Super Bowl 23 sur ABC. Ça, c'est 2X puis 3I. Donc, le pilote a réussi à garder le tiers environ du public de la grande partie. Environ 29 millions de téléspectateurs comparé au grand match qui a eu 80 millions. À travers les années, The Wonder Years a continué pendant, comme on disait, 115 d'épisodes sur 6 saisons et ça s'est terminé en 93. Ensuite, The Good Life, qui a débuté le 20 janvier 1994 après que les Dallas Cowboys aient défait les Buffalo Bills au Super Bowl 28. Ouf! NBC a débuté la nouvelle série The Good Life, une comédie qui se passait à Chicago, qui mettait en vedette John Caponera comme gérant, qui était gérant d'une compagnie de serruriers. Et il y avait Drew Carey comme son meilleur ami, et il jouait son meilleur ami et son co-gérant. Après seulement 13 épisodes, l'émission a été retirée au mois de mai. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non. Ensuite, Airwolf, qui a débuté le 22 janvier 1984, après le Super Bowl 28. Non, 18. 18. CBS a diffusé la première de 2 heures d'une série qui s'appelait Airwolf. C'est une affaire d'hélicoptère le militaire top secret avec le nom de code Airwolf qui a réussi à gagner quand même pas mal de fans et s'est resté en nom pendant 4 saisons complètes. Ça a terminé en 1987. Ah ben! Ensuite, une qu'on connaîtrait un petit peu plus, c'est American Dad. Ah ben oui. Qui a débuté le 6 février 2005. Ça a commencé après le Super Bowl, c'est vrai? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, après le Super Bowl 39, Fox a débuté la nouvelle série de Seth MacFarlane, American Dad, après un nouvel épisode des Simpsons. Donc, un nouvel épisode des Simpsons régulier, mais nouveau. Et ensuite, la première de la série, American Dad. L'émission suit évidemment les mésaventures d'un agent de la CIA et de sa famille excentrique. American Dad est présentement dans sa 10e saison, donc ça a bien du sens. Ça a marché. Ça fit. Ensuite, en 5e, c'est Davis Rules qui a débuté le 21 janvier 91. Moi, je la connaissais pas, celle-là. C'est quand même bizarre. En 1991, ABC a débuté la nouvelle sitcom Davis Rules après le Super Bowl 25. La comédie mettait en vedette Randy Quaid dans le rôle de Dwight Davis, un directeur d'école primaire. Même si ça avait le Super Bowl devant, donc comme lead-in, Davis Rules a été retiré après seulement une saison, mais a été ramassé pour une deuxième saison par CBS, le réseau rival, okay. En 92, ce qui est quand même rare que ça arrive. La comédie a été reformatée, reformulée. On a ajouté Giovanni Ribisi, qu'on connaît pour Friends, et Bonnie Hunt à la distribution. Le changement de réseau et les nouveaux membres de distribution n'ont pas vraiment aidé. La série a été retirée une deuxième fois après 16 épisodes. Ça, ils comprennent pas que ça marche pas, là, ou... c'est ça. On va essayer encore. En plus, une autre affaire. Moi, pour de vrai, je trouve que c'est le pire moment après le Super Bowl. Là. Oui, moi aussi, t'écoutes pas. Mais non. Tu viens d'écouter 12 heures de TV tout de suite, là. Ben, c'est pas nécessairement ça le problème. Mais, tu sais, mettons, là, la plupart du monde qui écoute le Super Bowl, c'est en gang. C'est comme... puis après ça, ben, tu sais, tout le monde fait le ménage, ou je sais pas, ça va se coucher parce qu'ils travaillent le lendemain. Ouais. Ou... fini la bière, complètement pactée, je sais pas. Moi, je pense que les seuls codes d'écoute qu'ils doivent avoir, c'est les télés qui restent allumées. Ben oui, c'est ça, exact. Il y a personne qui regarde ça. Non, non. Tu sais, tout le monde va l'écouter dans des bars aussi. Tu sais, ils vont pas remettre une série après dans le bar. Non, c'est bizarre. Pis pas un pilote de 2 heures comme Airwolf, là. Non, c'est ça. Après le Super Bowl, come on, là. Non, moi j'aurais vu les nouvelles, ça va. C'est ça. Je peux comprendre les chaînes locales, parce que tantôt, je chialais que New Girl et Brooklyn Nine-Nine avaient commencé après. Après le bulletin de nouvelles. Je peux comprendre les stations locales de vouloir diffuser leurs nouvelles juste après le Super Bowl, parce qu'en effet, les codes d'écoute sont là. T'sais. Puis ce qui est cool, c'est que quand t'as les nouvelles après le Super Bowl, ben la E, tu sais. Alors, le Super Bowl a été gagné, puis là, t'es comme, eh oui. J'étais là. Hey, j'écoute ton poste, man. Il n'y a pas ma belle choix, là, tu sais. C'est comme la grosse nouvelle, mais tu sais, c'est quand même ironique. Tu commences par un chat est pris dans un arbre. Oui, c'est ça. Depuis plus de 12 heures. Il écoutait le pre-game du haut de son arbre. En 6e place, c'est Undercover Boss. On parle toujours du top des émissions de télé qui ont débuté après le Super Bowl. Donc, date de début le 7 février 2010. Undercover Boss, tu connais un petit peu le principe. C'est un patron qui s'infile dans une compagnie pour vivre dans le bas de l'échelle pour savoir comment c'est vraiment dans la compagnie. Ah ouais, OK, non. C'est très le fun. C'est basé sur une série télé-réalité britannique. La version américaine de Undercover Boss a commencé après quand les New Orleans Saints ont défait les Indianapolis Colts au Super Bowl. Une fois qu'ils commencent à mettre des L dedans, là, c'est là que je comprends plus rien. Excuse-moi, mais les L, c'est pas des 50? 50? Je pensais donc... Non, c'est pas 50. Oui. Donc, ce serait 10... moins 50. XL, ça veut dire 40, parce que L, c'est 50. X, c'est moins. Exact. Donc, c'est 40. OK, 44, parce que c'est IV. 44. Ouais. Wow! Hey, on travaille d'équipe, on travaille d'équipe. Donc, ça a commencé en 2010. Voilà, la télé-réalité qui, donc, c'est ça, envoie son président dans les petits postes du bas de l'échelle. Ils ont seulement réussi à garder 38 millions de téléspectateurs comparé à la grande partie qui en avait 106 millions. Mais l'émission a quand même gagné beaucoup de public dans le, genre, après ça, par les épisodes subséquents. Voilà, on dit que c'était... le plus grand public pour une nouvelle émission de télé suivant le Super Bowl depuis 1986. Donc, c'était pas un grand chiffre, mais c'était plus grand que bien d'autres émissions. Bon. Donc, Undercover Boss qui est maintenant dans sa 5e saison. Et finalement, on a parlé d'American Dad tantôt. Family Guy a aussi commencé après le Super Bowl. OK. C'est vrai, le 31 janvier 99. Donc, finalement, je retire mes paroles pour dire que c'est tout ou rien. Soit ça marche pas du tout, soit ça marche très bien. Soit ça devient un gros succès. Mais justement, Family Guy, c'est que ce qu'on se rappelle pas, c'est que c'était pas un si grand succès que ça. Au début. En 1999, okay. Family Guy a fait son début sur la Fox avec l'épisode Death as a Shadow après le Super Bowl 33. La série animée est rapidement devenue un phénomène de la pop culture, mais Family Guy, même malgré sa quand même popularité pas si pire, Fox a retiré l'émission des ondes après la 3e saison en 2003. Fox a ensuite ramené Family Guy après les ventes de DVD et les codes d'écoute en syndication, donc en reprise sur Comedy Central en 2005. Okay. C'est là que l'émission est revenue. Ça a commencé à pogner. Et ça a jamais quitté depuis. OK. C'est cool. Ouais. Donc voilà, c'était le top des émissions qui ont commencé après le Super Bowl via mentalfloss.com, le lien sur assemblage.com. Hier, j'ai vu aussi qu'ils vont... c'est pas tout de suite après, là, mais il y avait des annonces 19-2 qui commencent en anglais. Oui, ça a commencé mercredi passé, on n'a pas encore regardé. Ah, ça commence? Ça vient juste. Là. OK. Est-ce que tu l'as vu en francophone? Oui, j'ai regardé les deux saisons complètes en français, selon la recommandation d'à peu près toute la population québécoise. et qui avait raison pour une fois. Oui, c'était très bon. Tu sais, c'est rare qu'ils ont raison. Mm. Il y a même des chaînes qu'on n'écoute pas qui ont le droit d'avoir des bonnes émissions comme Fort Boyard. Je suis très excité pour 19-2, mais ça s'en vient. Peut-être en accumuler quelques-uns, on va devoir regarder ça, parce que juste un à la fois, c'est comme... Moi, c'est pas mon genre. Non? Non. Dans le sens d'en écouter un à la fois. Là. Moi, okay. J'aime ça quand c'est un à la suite de l'autre, là, pendant une journée complète. C'est ça. Sérieux, des fois, on se tape des 20 épisodes de suite de certaines séries la fin de semaine. C'est bien fun. Bref, on va faire une deuxième partie de son football palmarès tantôt avec les questions les plus stupides posées dans la journée média du Super Bowl. Ah, super! Je pense que je vais t'y poser, tu me répondras quelque chose. Génial, j'adore ça. Pour l'instant, Grenadine, bonjour, tristesse. Sur C'est fou, 89.1 FM. Pourtant, on a du fun, je vois pas un peu. Oh, mais tu dis bonjour à tout ça, c'est comme bye. Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'y ai appris, je regrette. Mais moi, quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. Du bout des doigts. Je ne suis pas de celles qui fauchent du regard. Jamais tu ne me retiens, je te laisse mon cœur. de Grenadine et bonjour Tristesse. Oui, Grenadine. On était dans son foutu palmarès. Oui. C'est son foutu palmarès où on fait une petite liste de quelque chose et j'ai envie de faire un genre de chronique à l'intérieur d'une chronique. OK. Comme on le fait pas assez souvent parce que moi je trouve ça bien drôle. Une mise en abîme. Une mise en abîme à l'intérieur de son foutu palmarès. Incroyable. Voici un autre arrête avec tes questions. OK. Donc, c'est arrête avec tes questions dans son foutu palmarès. C'est un petit peu n'importe quoi, on aime bien ça de même. Je vais te poser des questions qui ont été posées aux vrais joueurs de football du Super Bowl pendant ce qu'on appelle la Media Day, la journée des médias. Okay? C'est le mardi avant la grande partie, le grand match. Okay. Donc, ça représente vraiment la folie que certains des journalistes peuvent faire subir à ces joueurs-là. Un journaliste japonais a déjà demandé au quarterback des San Francisco 49ers, Joe Montana. Il leur a demandé, là, tu vas devoir répondre à ce que le gars aurait répondu. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Boomer? Boomer? Ça, c'est à cause de l'équipe. Quand je suis dans la douche, j'ai souvent un Boomer. Ça te rapporte avec les pets, ça? C'est un pet, non? Non, c'est comme un boner. Un boner? J'ai pas compris. Ah. Mais donc, la réponse, en fait, c'est que c'était pas la bonne personne à qui il l'a demandé parce que c'est Boomer. Il parlait de Boomer Esiason, qui est le quarterback de l'équipe de Cincinnati. Donc, il a demandé au gars pourquoi est-ce que tu t'appelles Boomer, mais c'est pas comme c'est ça qu'on l'appelle. C'est pas le bon gars. Ça, c'est bon, ça. Quelqu'un a ensuite demandé au defensive tackle. Oui. Tackle défensif. T'es-tu commandité par Taco Bell? Taco Bell. Des Tennessee Titans, Joe Salavia. Quelle est ta relation avec le ballon? Tous les jours, on se parle. Des fois, j'aime ça sentir l'odeur du caoutchouc sur mes membres. Est-ce que tu as donné un surnom? Pas ça? Petit B. Petit B. Petit ballon. c'est bon. J'aurais pu l'appeler Wilson aussi, aurait été une autre bonne réponse. Donc, Salavia, sa réponse était, je dirais, complètement platonique. Ah, ben, c'est excellent. C'est parfait, en fait, comme... Oui, comme réponse. Ensuite, un joueur de St. Louis donc, a dû penser à la grammaire en anglais parce que la question qu'on lui a demandé, c'est est-ce que ram est un nom ou un verbe? Ram. Non, c'est un char. C'est un char, tu vois. La réponse parfaite. Justement, c'est une équipe de football, les Rams, en passant, d'où la blague ici. Mais le quarterback des Rams, Kurt Warner, s'est fait demander la question suivante. Est-ce que tu crois au voodoo et est-ce que je peux avoir une couette de tes cheveux? OK. Ta réponse? Ma réponse, c'est non pis non. Non pis non. Non pis non. Lorsque le running back de l'équipe de Denver, D'Tron Smith, s'est fait demander la question suivante, quelle grandeur de sous-vêtements porterais-tu si tu étais une femme? Quelle grandeur de panties des petits sous-vêtements féminins porterais-tu? Du 9 ans. Je ne sais pas si ça marche en âge. J'ai aucune idée comment ça marche. Très bon. Ensuite, l'animatrice Julie Brown de chez MTV a demandé au running back de Dallas, Emmitt Smith, qu'est-ce que tu vas porter pour aller au match dimanche? Mon uniforme. Tu sais? Probablement ton uniforme. Qu'est-ce que tu vas porter? Probablement. Mon jackstrap. Ah, penses-tu que c'est les Emmy Awards ou quoi? Ben genre? Oui, c'est ça. Je vais porter du Gucci, là, tu sais, non? Oui, franchement. Ensuite, tiens, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait pour s'exciter, là, tu sais, pour vraiment être pompé pour la grande partie, le grand match, le running back de Buffalo, Thurman Thomas, a répondu la réponse suivante. Je lis le journal et je regarde toutes les questions imbéciles que vous demandez aux joueurs de football. C'est très, très bon. Ouais, c'est pas pire. J'adore ça. Ensuite, il y a une légende urbaine qui dit que le quarterback de Washington, Doug Williams, qui était d'ailleurs le premier quarterback à jouer dans un Super Bowl, ça fait demander la question suivante. Ça fait combien de temps que t'es un quarterback noir? Ben, je suis né comme ça, puis j'ai commencé à jouer à 4 ans. Voilà, la réponse sensée. Mais oui. Finalement, ESPN.com, qui est la version américaine de RDS, si on veut, a un petit peu clarifié la chose. C'est que le journaliste connaissait Doug Williams. Il savait que Williams était tanné d'entendre parler de sa race, parce qu'à un moment donné, ça va faire là, les questions ben oui. sur le fait que je suis le premier joueur quarterback noir à jouer au Super Bowl. Donc, la question était plus une blague, genre, dans le sens de, évidemment, tu as été un quarterback noir toute ta vie. Et comment ça se fait que là, c'est rendu important? C'est un peu la question que je voulais demander. Mais quand même, la légende urbaine se propage sur Internet comme de quoi que ça a été demandé pour eux. Des fois, hein, la subtilité de la chose. Et voilà. Il a dû l'envoyer par message texte, fait qu'on comprenait. On savait pas trop l'intonation. Puis là, es-tu fâché? Il rit-tu? Le message sur la pagette, genre, t'es flou. Oui, c'est ça. Appelle-moi. Appelle-moi. le Super Bowl 15, tiens. Super Bowl 15, le quarterback de Oakland, Jim Plunkett, s'est fait demander une question. Donc, il venait de répondre à une question par rapport à ses parents. Okay? Donc, il a parlé d'une façon tout à fait respectueuse et même, comment dire, émotionnelle, émotive. Donc, il disait qu'il avait grandi dans une maison particulière parce que sa mère était aveugle et que son père, qui était aussi aveugle, était décédé récemment, ou en tout cas, était décédé. Donc, un journaliste de Philadelphia lui a demandé... en fait, c'est un chroniqueur, pas un journaliste. Chroniqueur comme dans éditorialiste, si on veut. Il n'était pas là pour parler de football, il était là pour parler de sa vie personnelle, il trouvait ça plus intéressant. Donc, il a demandé la question suivante. Jimmy, je veux juste m'assurer de l'écrire correctement. Est-ce que c'était une mère morte, un père aveugle ou une mère aveugle puis un père mort? Juste pour être sûr que j'écris comme faux. Youch. Ça fait mal, cette question-là. Oui, quand même. Mère, faut sûr du bord. Oui, c'est ça. Tu peux-tu clarifier moi ça? Fais-moi un dessin. Oui, aïe, aïe. Non, voilà, c'était le palmarès. C'est gênant, un petit peu. Hein? Un peu. Mais tu sais, le gars était là pour faire une grosse histoire dans son éditorial. Il était pas là pour parler du Super Bowl en tant que tel. Mais ça reste déplacé, tu sais. Ouais, quand même. Au pire, demande à un autre journaliste si lui, il l'a pris en note. Bref, c'était les questions les plus stupides posées lors de la journée des médias le mardi précédent, la grande partie. Le grand match. Le grand match. Voilà pour son foutu palmarès, qui était une sous catégorie avec arrête avec tes questions. Bref, ouais. Je sais même plus ce que je faisais. Oh. Mais c'est belle fin. Tout à l'heure, dans quelques instants, on va faire un petit bloc spécial, très spécial même, d'écoutons la chanson. Tu sais, c'est le quiz musical où je te pose un quiz. Oui! Tu te rappelles de ça? Mais ça fait longtemps qu'on... T'en rappelais pas jusque-là, hein? Ben non, c'est ça. Ça faisait quand même un bout qu'on n'a pas fait ça. On fait ça quand on a vraiment du temps à perdre. C'est au retour, mais pour l'instant, ton sac de natation de Navet Confit. Sur C'est Fou. Des légumes abandonnés du vrac dans les mauvais bacs. Ton amour propre dans un présentoir. Tes yeux comme deux olives farcies, tes yeux parlent avec le commis, l'inter comme des goulines de bas prix, de mépris, de bas prix, de mépris. Il fait froid, tout est gris, une odeur de vomi. Et tous ces gens qui s'abattent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Tous ces gens qui s'abattent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Entends-tu les néons qui parlent trop fort? Et le styromousse qui s'emballe encore au comptoir des viandes tachées? As-tu bien vérifié la date des organes qui sortent de ton sac de natation? Ne tire pas sur les fils et ne tire surtout pas sur tous ces gens qui s'avalent dans les allées. Ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Et tous ces gens qui s'avalent dans les allées, ils vont et viennent ensemble deux ou trois fois par l'année. Tous ces gens qui s'abattent dans les allées. Tous ces gens qui s'abattent dans les allées. Tous ces gens qui s'abattent dans les allées. Tous ces gens qui s'abattent dans les allées. ton sac de natation. Mais avec Ophi. Au retour, écoutons-la dans la chanson. On va te tordre un petit peu le cerveau, JP. Je suis prêt. Okay. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, il est Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oh, ce matin de février, le mois est commencé. Il fait soleil. Hein? Aïe, aïe. Aïe, aïe, oui. Ouais, très soleil. Dépendant de l'heure où vous nous écoutez, parce qu'il fait peut-être très noir en ce moment. Ah, voilà. Peut-être. Donc voilà, oui, Assemblage requis qui continue. Et là, on a beaucoup, beaucoup jasé. On s'est vraiment fait aller le cerveau. On a pensé, on a répondu. On était vraiment vite sur la répartie et tout ça. Donc, on va se mettre un petit peu plus à off pour un certain temps. Mais toi, je te laisse à on. Bon. Je te laisse à défrost, en fait. Parfait. Je suis prêt. Voici, écoutons-la dans la chanson. Écoutons dans la chanson un petit quiz musical d'Assemblage requis qu'on fait une fois par mois environ. Ouais. Où je te propose trois pièces musicales et tu dois trouver le lien un qui lien. Les rassemble. C'est incroyable. Un lien à la Mathieu Plante. Mais évidemment, à la Mathieu Plante, parce que moi, vous savez, la facilité, c'est pas pour moi. Je laisse ça aux autres. Ouais. Donc, je vous dis pas à l'avance ce qu'on va entendre. En tout cas, pas trop précisément. Je peux vous dire qu'il va y avoir une pièce de The Can Empire au milieu de tout ça. OK. Ça s'en vient. Mais avant, on écoute Jacques Mort. À l'instant. Pense à ça un petit peu. Je réfléchis. Je te regarde. Je veux que ta face soit mauve, tu penses. Thank you. ma vie prend tout son sens d'eau de chat. De moi des choses très irritantes. J'ai une sorte de The Cat Empire et Wild Animals dans le bloc. Écoutons la chanson. Jean-Philippe, tu sais que c'est le quiz où je te fais jouer un bloc de trois pièces et tu dois deviner le lien qui les regroupe. Veux-tu penser à ça à voix haute, nous dire ton processus? Oui, mais rapidement, je vais faire un petit retour en arrière pour dire qu'on a écouté au début Jacques Maure avec la chanson « Adieu mes chats ». Ouais. Après ça, c'était « La balconnade », « Ado de chat mm-hmm. ». Et puis après ça, c'était « Wild Animal » avec « The Cat Empire ». Donc, ça, c'est le lien que t'as pas fait, Mathieu. Non, parce que évidemment, c'est trop facile. Chat, chat, chat, là, on s'entend, trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats. Je veux dire, n'importe qui, même un bébé naissant l'aurait dit. Chat! C'est chat! Donc ça, c'est ça. Après ça, je me suis attardé au premier, deuxième et troisième mot de chaque chanson. OK. c'est pas les mêmes, donc c'est pas ça le lien. Ça aurait été quoi, là? Ça aurait été Jacques, Do? Sûrement, c'en est un des articles. Oui. Je sais pas trop. Non, c'est wow. Ça. Après ça, j'ai essayé avec Adieu mes chats, Ado de chats. Ça n'a pas le même nombre de mots, ça n'a pas le même nombre de lettres. Un, deux, trois, j'ai pas vérifié. Faut que ça, mais non, c'est pas ça. C'est pas toutes des chansons francophones, c'est pas toutes des chansons anglophones, c'est pas toutes des chansons hispaniques, c'est pas toutes des chansons asiatiques. On va toutes les passer. Afro-américaines. Ouais, c'est ça. Non, c'est difficile, Mathieu. Tu me poses une colle. Ben oui. Mais tu sais, j'essaie d'y aller avec tout ce que j'ai vécu depuis. C'est ça, il faut que j'augmente le niveau de difficulté à chaque fois, parce que sinon, c'est trop facile. Ben voilà. Trop facile. Jacques Maure, je me suis dit après ça, peut-être que les chats, c'est parce que ça mord. OK. Quand t'es sur le dos d'un chat, ça se peut qu'il te morde. Oh. Puis après ça, t'as un wild animal, tu sais, ça mord. Est-ce que t'abandonnes? J'abandonne, Mathieu. Parce que t'as un début de lien. Ah! En effet, t'as un début de lien. Jacques, pour commencer. Jacques, moi, je vais recommencer en te disant que c'est un doublon. Aujourd'hui, j'ai trouvé deux thématique autour de tout ça, parce que je suis un génie. Donc, Jacques Lebaudy, connais-tu Jacques Lebaudy? Non. Il est mort, évidemment, parce que ça fait vraiment longtemps. C'était en 1868 à 1919 qu'il était vivant. Donc, Jacques Lebaudy est mort, OK? Et je vais te parler un petit peu de lui pour te faire comprendre le reste. On l'appelle Jacques Ier. C'est un cryptarque qui fonda en 1903 l'Empire du Sahara, qui était un royaume imaginaire reconnu par lui seulement. Il y avait seulement lui qui reconnaissait que c'était un royaume. Donc, fou, mais fils de l'industriel français Jules Lebaudy, magnat des sucres du même nom, la grande fortune de Jacques Lebaudy lui permet d'accomplir un début de son fantasme, donc devenir empereur. En 1903, après une dispute avec son concierge où il a reçu un seau d'eau de Javel, il décide de fonder un État en la terre déserte du Sahara pour ne plus avoir affaire au petit peuple. Le lendemain, il prend son départ de Fécamp à bord de sa goélette personnelle qui était la Frasquita. Il s'arrête aux îles Canaries pour équiper son bateau de canons et recruter une armée de 8 hommes avant de repartir vers les côtes mauritaniennes. On va sauter quelques bouts ici. Donc après ça, il se proclame empereur Jacques Ier et ordonne à ses employés de l'appeler Sire. Appelez-moi Sire. Donc, évidemment, la balconnade, qui serait aussi un endroit où peut-être un empereur pourrait parler à son peuple. La balconnade, ça a bien du sens. Et The Cat Empire comme l'empire de Jacques Maure, Jacques Lebaudy. Wow! Pas pire, hein? Quand même incroyable. Et sinon, c'était aussi un lien avec le Super Bowl. OK. Parce que tu sais qu'au Super Bowl, il y a une alternative au Super Bowl qui est diffusée sur Animal Planet, qui est le Poppy Bowl. OK? Le Poppy Bowl, qui est un événement télévisé à chaque année sur Animal Planet, qui imite une partie de football en utilisant des chiots, OK? C'est à chaque année, le dimanche du Super Bowl, on montre des vidéos, des clips de chiens qui jouent à l'intérieur d'un stade à l'échelle beaucoup plus petite. Il y a des commentaires, évidemment, sur l'action des chiens. Eh bien, le halftime show du Poppy Bowl, c'est le Kitten Bowl. C'est ça. Donc, à 1h15 du début, les chiens quittent le terrain et des chats sont amenés. On amène aussi des petits poteaux là, pour qu'ils puissent se gratter. Il y a des lasers, donc il y a des boules de laine, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, on commente pas là-dessus, je crois pas, sur le Kitten Bowl. Donc, tous les chats viennent de gens de la SPA, donc on peut les adopter, etc. Et le stade a un paquet de places, comme je dis, pour se gratter, mais il y a aussi, vu que ça fonctionne pas tellement, ils mettent de l'herbe à chat un petit peu partout sur le terrain. Et ça, c'est le Kitty Halftime Show du Poppy Bowl. Et depuis cette année même, sur Hallmark Channel, il y a un compétiteur au Poppy Bowl qui s'appelle vraiment le Kitten Bowl. Et là, c'est sa propre émission à part entière où on refait le Super Bowl avec des petits chats. Vous pouvez voir la vidéo sur allmarkchannel.com/Kitten Bowl. Donc, c'est le Kitten Bowl. C'est Kitten. C'est Kitten. Et c'était mes deux liens pour écouter là dans la chanson. Incroyable, Mathieu. J'aurais jamais vu ça venir. Je pense pas. Non, ça mitraille. Je vais essayer à ce que ce genre que tu le trouves jamais. Oui, parce qu'une fois que t'es tombé dessus, puis ça m'a fâché, tu sais. Ah ouais? C'était trop beau de ta part. Ah ben, j'ai plus que ça arrive. Ouais, je sais pas. Mais là, écoute, En plus, je me suis dit, je pourrais vraiment genre y aller avec quelque chose de chien. Parce que t'as de chien. Ah! Papi! Papi! C'était papi! C'était papi! Papi! Oui, un chiot, oui. Parce que je pense que t'as mis l'explication, référence. Oui, je sais, oui. Puis là, je me suis dit, est-ce que je clique dessus? Ah! Puis, tu sais, j'essaie, tu sais, c'est décousu, mais tu sais, j'essaie de trouver des liens par rapport. Puis là, tu sais, finalement, pour m'en venir à ça, là, je me suis dit, ah non, c'est chien. C'est ça, c'est chien. Je peux pas faire ça. T'aurais pas trouvé dans ça de toute façon. Non, je pense, non? Non. Ben, c'est ça, j'osais pas, j'ai pas osé. Tu vois, je me confie même sur quelque chose que j'ai juste pensé. Ouais, on sait que t'es capable de tricher. Dans un cheese quiz de Stéphanie Paradis, t'as triché à un moment donné. Oui. T'as perdu des points pour ça. Ouais. Mais en même temps, c'était mon rôle. Steph, elle te l'a jamais dit, mais elle m'a dit, JP, ça serait bien que tu triches sur celle-là. Tu sais, ça va faire quelque chose. Ouais, ouais. Cool. Me semble. Ouais, ouais. Moi, me semble. Me semble. Ah, tu me déprimes des fois avec tes affaires de triche. Ah! Mais bon, bravo quand même. C'est un demi-point. C'est l'important, c'est de gagner. L'important, c'est de gagner. Oui. C'est le côté de la médaille. Exactement. C'était lancé numéro 1 du palmarès francophone, ça. Montréal Carnivore. Ton cheval est mort. Ton cheval est mort. Sniff, sniff. Sniff, sniff. Ah, ben, tu sais. Ouais. Viande chevaline. Viande chevaline. J'ai déjà dit que je comprenais pas comment ça fait que c'était viande chevaline, mais qu'on disait pas genre viande porcine pour du porc. Ou... Ouais. Ou viande volaillesque pour du cheval. Donc, c'est peut-être une question de marketing. Ouais. Mais toi, tu vois ça comment, mettons, Super Bowl avec. Tu sais, souvent, c'est du poulet. Oui. Les ailes de poulet. Tu sais, c'est rare qu'on va manger, mettons, du porc, t'sais. C'est vrai. Porc effiloché. Du porc effiloché. D'ailleurs, j'ai déjà fait un porc effiloché. Arrête-moi ça. Je te jure. C'est long, hein? Avec quoi l'as-tu effiloché, tes doigts? Non, deux fourchettes. Ah, bon. Mais c'est très long. J'ai effiloché le cochon alors qu'il était encore vivant. Et ensuite... c'est toute qu'une game, hein? Non, mais c'est ça, mais c'est pas... Il n'y a pas ben d'anecdotes là-dedans, mais j'ai déjà fait un porc effiloché, Mathieu. Ben, c'est cool. Il faut partir très tôt le matin. Je fais ça dans la mijoteuse. Oui. Avec plein... Le croque-pot. Oui, le croque-pot. Avec plein d'affaires dedans, là. Sauce chili, ketchup, bouillon de poulet, sûrement. Okay. un petit lit de... Sûrement d'oignon. Oui. J'ai mangé ça avec deux pains hamburger que tu fais un petit peu chauffer. Juste avec, le dedans. Avec du beurre. Le dedans et dehors? Non, juste le dedans. OK, oui. Oui, c'est ça. Puis après ça, ils disent de manger ça avec des cornichons à la nette. OK. Bon. C'est ce que j'ai fait. tes cornichons, tu les préfères à la nette. Tu prends pas les mi-sucrés salés. Je suis plus bien fan de pickles. De pickles. Ça dépend lesquels. J'aime les tout petits, là. Les petits-petits. Oui. Complets, là. Ça, je les aime bien. Tu manges ça comme des Smarties? Ah, pareil. Ah, puis je garde les rouges pour la fin. Il y a tout un piment. Jalapeño, la bouche en feu. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Non, c'est ça. Mais c'est la fin de l'histoire de mon porc effiloché. Mais savais-tu, Mathieu, qu'en fin de semaine, j'ai fait une visite guidée de Trois-Rivières? Oui, mais il y a ça l'hiver? Non, c'est moi qui l'ai animé. OK. J'ai des amis de Montréal qui sont venus. Je sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas, je me suis trouvé très drôle parce que... Tu sais, cet été, on a fait quelques tours, visites guidées avec le manoir Boucherville, etc. Et puis, je me suis dit, j'ai fait des tours, moi aussi, je connais ça. Fait que là, j'ai eu un plaisir fou à me mettre en plein milieu de la rue, puis à pointer plein de bâtisses en disant, ben ça, c'est une bâtisse. Ça, c'est le McDo, c'est oui, exactement. Donc, c'est pas mal ça que j'ai fait, exactement. Tu me mimites bien, Mathieu, c'est exactement ça que j'ai fait. Ouais. Et puis, c'est ça. J'ai bloqué la rue même. Puis là, les gens étaient là, « Ah, des touristes! » Puis là, « Ouais, ça, c'est de la neige. Tu vois, ça c'est le fleuve. » Wow! Je suis pertinent, hein? Non, mais c'est cool, je trouve. Ça, c'est la meilleure anecdote de ma fin de semaine. C'est la... Ah, ouais? Ah. Ouais. Ça, puis je te dirais, j'ai joué à des nouveaux jeux de société. Ah, lesquels? Sauf c'est ça le problème, c'est que je me souviens plus du nom. C'était pas les miens. Mais il y en a un, c'est très, très le fun, Mathieu. Dis-moi en plus. OK. Le but, dans le fond, on est tous des gangsters. OK. Et puis, le but, c'est de remporter le magot en plein milieu de la table. Et puis, on a des faux guns. Oui, c'est bien violent, en styromousse. Puis là, tu peux tuer quelqu'un. Donc là, dans le fond, c'est un peu comme... la roulette russe. Okay. T'as des cartes que c'est clic, t'as des cartes que c'est bang, ah. Puis t'as des cartes que c'est bang bang. Fait que si c'est un clic, ça veut dire que je te tue pas vraiment. Ouais. Sauf que là, la personne peut se retirer aussi. Puis c'est vraiment hot. Ça a le fun. J'explique mal le jeu. Là. Non, quand même. Ouais, mais oui, c'est ça. Donc c'est plusieurs tours. Tu peux t'as à peu près 6 cartes de clic, clic, bang bang, puis tout. Puis j'ai gagné. C'est, wow. En fait, l'important de mon histoire, c'est que j'ai gagné. C'est ça, c'est pour ça que tu racontais ça, sinon si t'avais perdu, j'étais mauvais perdant. Je raconte pas les autres jeux que j'ai perdu. Mais non, mais là, quand même pas. Quand même, je suis pas un gars qui raconte des défaites, là. Mais non. J'ai gagné à 95 000 $. As-tu gagné ton Super Bowl, finalement? Je te dirais que je savais même pas qui jouait. Non. Ouais, j'ai moins suivi cette année. Puis c'est ça. Non, j'ai toi, Mathieu. Moi, j'ai gagné ton Super Bowl. C'est ça. J'ai même pas regardé non plus. Non, Super Bowl, c'est non. Non, c'est non. Mais le Poppy Bowl, je pensais peut-être aller le voir sur YouTube. Là, ça va l'air bon. Ouais, en streaming. Ouais, c'est ça. C'est le Poppy Bowl. Est-ce que ça joue à télé? Ça joue à télé. Le Poppy Bowl joue sur Animal Planet. Oui, c'est ça. Okay, qu'on a au Canada en passant. Et l'autre, le nouveau Kitty Bowl, Kitten Bowl, ça joue sur Life, Hallmark Channel qu'on n'a pas. Malheureusement. Ben, c'est un choix étrange. Ouais. Mais, tu sais, pour affronter, tu sais, tant qu'à... De toute façon, tu sais qu'il n'y a personne qui va te regarder, là. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui faisent des marathons, genre de films de filles, tu sais. Ben, ça, je comprends ouais. Ça, ouais. T'as des films d'action, peut-être, pour les gars quelque part, tu sais, des affaires comme ça. Ouais. Ceux qui n'aiment pas, je sais pas. Mais bon, l'idée est quand même pas si pire. Nous, on affrontait, évidemment, le Super Bowl avec les palmarès, c'est fou. Oui. Comme je dit. Brancher le monde à 17h. Avec, David. Oui, puis je suis prêt à parier qu'il y a un Super Bowl... Tu sais, parce que c'est tout le temps, tu sais, mettons, cette année, c'était le Super Bowl XL. Xylophone, qu'on va dire. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, 49? C'était 49 ou 48? 42, OK, 42. Mais je suis sûr qu'il y a un Super Bowl XXX. Super Bowl Channel. Oui, sûrement. Ah, ce serait bon, ça. Oui. Ouais, on devrait trouver des idées, nous autres aussi, tu sais, genre quelque chose, Super Bowl, tu sais, on teste des bols, des toilettes, ouais, c'est ça, on teste différents modèles de bols de toilettes, ouais. OK. En ondes. Le Super Bowl. Flash. C'est pas pire, ça, ça n'a jamais été fait. Jamais de la vie. Le meilleur bol pour manger du popcorn. Oui, les assistants. Ah, yeah. On vous en reparle l'année prochaine pour le Super Bowl 2015. Passe en note. C'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On remercie personne du tout. Ben non, ça arrive rarement. Ah, ben oui, mais on remercie au spectateur. C'était quoi son nom? Jean-Philippe Charbonneau, oui, tout à fait. Spectateur de la Luitre qui vous invite à venir avec lui assister à 19h30 ce soir à la Chasse-Galerie à un match entre les Bleus et les Rouges. Voilà. Sinon, restez sur nos ondes parce que plus tard, c'est Dîner de con avec Danny Janvier qui commence à 11h. À 13h, les Précieuses Ridicules avec justement la joueuse des Rouges, Myriam Lortier, là-dedans. Exact. Bien. À 16h, c'est l'émission d'actualité à vos micros. À 17h, Radar Jeunesse. 18h, Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan. À 19h. Le Voyage de Solite et 20h, Rock de Neuron. Dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera Steve devrait arriver. La nouvelle émission de variété. Oui, monsieur. Allez voir sur cesfous.ca. Pour toute la programmation, les ballots du football, non, c'est pas qu'il y a sur cesfous.ca, la programmation complète, c'est ça. Tout est là, c'est ça. Et qu'est-ce aussi, c'est assemblagerequis.com. Oui, mais ça, c'est pour les notes de l'émission, puis les balados diffusion. Voilà, à demain, JP. À demain, Mathieu. Bon restant d'aile de poulet, si je trouve. Ouais, des fois, je fais des petits roues. Je te tape dans le dos. Non! Tu vas revoler. À demain.